Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabatis sa'atu enşakkal kamer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ». وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront voilà un jour difficile. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent c'est un possédé, et il fut repoussé. فدعا ربه أني مغلوب. Il invoqua donc son Seigneur, « Moi, je suis vaincu, fais triompher ta cause. » Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche. Voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Comment furent mon châtiment et mes avertissements ? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Les Hades ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements ? إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. فكيف كان عذابي ونذر. Comment furent mon châtiment et mes avertissements. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Les Thamoud ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Sali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétention et d'orgueil. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétention et d'orgueil. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. فكيف كان عذابي ونذر. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille des tables. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. À titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Il les avait pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. <t'en> En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ Vos mécréants sont-ils meilleurs que cela, ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. L'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. إن المجرمين في ضلال وسعر. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira: goûtez au contact de Saqqar, la chaleur brûlante de l'enfer. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Nous avons créé toute chose avec mesure. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. Et tout fait, petit et grand, est consigné. إن المتقين في جنات ونهر. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent.